sûr de Silo Hind à Brezonek. C'est l'heure de retrouver Hind à Brezonek. Vous êtes bien sur RKB pour Hentar Brezonné. Comme d'habitude, on commence par Gerio Arvui, l'émission Trihandware à Pevargen, 386. Et aujourd'hui, quel mot on voit, Henri? Alors aujourd'hui, on va parler d'un préfixe, en fait. Donc, il y aura plusieurs émissions là-dessus, hein, parce que ce serait impossible de faire ça aujourd'hui. C'est même impossible de le faire totalement, puisque il faudrait prendre le dictionnaire et on peut pratiquement mettre tous les mots avec ce préfixe-là. Alors, quel est ce préfixe? C'est « di ».« Di », donc, qui est un préfixe qui sert à exprimer un contraire ou l'absence de quelque chose. Hein. Donc, très pratique. Très pratique, hein, parce qu'on peut créer soi-même des mots et c'est compris immédiatement. Quand on connaît un verbe, on peut faire facilement le contraire. Un verbe ou un adjectif. Ou un mot, on peut faire le contraire facilement. Alors j'ai commencé par des adjectifs parce que je pense que c'est encore le plus simple, hein, et le plus répandu, c'est de faire un adjectif en mettant di devant, hein, et on obtient le contraire. Alors je vais donner quelques exemples. Par exemple, di abaf. Alors abaf, ça veut dire timide, hein. Et c'était le premier mot du dictionnaire, le catholicon, hein, en 1400 et des poussières, hein, donc qui était, et c'est pas loin d'être le premier mot de pas mal de dictionnaires. C'est difficile de faire mieux que ABA en ordre alphabétique. Alors, dit ABA, ça veut dire sans complexe, celui qui n'est pas timide, hein, voilà. Diabec, c'est injustifié. Abec, c'est l'argument, hein. Donc diabec, donc sans argument, injustifié. Di échu, alors échu ou hachu, hein, dans certains endroits on dit hachu, ça veut dire fini, terminé. Ça existe en français aussi d'ailleurs, hein, échu, mais c'est plutôt juridique en français, un terme échu. Hein. Donc di échu, c'est inachevé, hein, voilà. Là, pour di échu ou di hachu, hein, un travail qui n'est pas terminé. Alors dièse, hein, très facile, hein, aise et dièse, facile et difficile, hein, voilà. Alors le mot dièse est très très employé, hein. Par exemple, quand veut me dièse, hein, ça m'a contrarié, quoi. J'ai trouvé difficile, hein. Voilà, si on disait en français traduit directement. Ou alors, là que dans le dièse, j'ai été mis en difficulté, hein, voilà. Dies mus cove, j'ai trouvé difficile, hein. C'est comme cove mus dies, hein. Donc dies très très très très employé, hein. Et on fait d'ailleurs, on peut faire d'ailleurs une forme négative, une double négation, en disant n'est que dies, hein. C'est pas difficile. Hein. Quand je faisais des cours de breton, j'utilisais souvent ça. Je disais aux gens qui étaient avec moi, n'est que dies, hein. C'est pas difficile. C'était pas toujours leur avis d'ailleurs, hein. Et on dit aussi on den dies, hein, quelqu'un pas facile, hein. Ça peut dire aussi pas quelque chose, voilà. Alors toujours en ordre alphabétique, après diamser, c'est intemporel, hein, quelque chose qui n'est pas lié à l'époque, hein, quelque chose d'éternel en fait, quelque chose qu'on retrouve tout le temps, hein, diamser. Et il y a aussi, hein, une forme plus longue qui est diamseriet, hein, qui est un participe passé en fait, qui veut dire anachronique. Hein. Mm-hmm. On dira diamseriet, hein, anachronique. On pourrait dire obsolescent aussi, puisque c'est très à la mode, hein, l'obsolescence programmée maintenant. Hein, voilà. Alors diannal, c'est essoufflé, hein, qui a perdu l'haleine, hein, qui, voilà. Diannav, qui est inconnu, hein. Morvan Lebesque raconte qu'il a pris conscience du breton en voyant une inscription sur un monument à Nantes, le palais d'Aubré d'ailleurs, qui est un diannav rogue en nom, l'inconnu me dévore. Et il avait vu cette inscription et il savait pas ce que c'était comme langue. Et il a demandé à plusieurs personnes qui n'en savaient pas plus. Et finalement, quelqu'un lui a dit, c'est du breton, quoi. Et ça l'a intrigué, et puis, voilà, à ce moment-là, il s'est intéressé à la langue bretonne, et il est devenu un fervent, justement, de la culture bretonne, juste par cette inscription qu'il avait vue un jour. Voilà. Alors, Die Herren, ben, fauché, quoi. Sans le sou. Sans le sou, voilà. Die Herren, hein. Diardou, alors celui-là j'aime bien aussi. Diardou, c'est sans façon. Hein. Ardou, c'est les façons quand on fait du chichi un petit peu quoi. Oui. Hein. Et Diardou, c'est le contraire, sans façon. Alors c'est amusant parce que là on voit pas mal de choses très très différentes. Diascorne, c'est sans os. Hein. Voilà. On pourrait dire les mollusques, on pourrait dire les diascornes, hein. Voilà. Autrement, bon, je vais pas citer tout ce que j'ai écrit parce que sinon on va y passer la soirée. Tu as recopié le dictionnaire, Henri. Non, j'ai pas recopié le dictionnaire. Justement, j'ai cherché des mots qui se comprennent tout de suite parce que quand on voilà des mots faciles quoi qui se comprennent tout de suite. Donc je vais pas donner tous les exemples, hein. Dibad par exemple ou dibadus, hein, non durable. Ça va bien en ce moment, on parle du développement durable, hein. Un dioren padus, eh ben on en parle surtout parce qu'on s'aperçoit que celui qui nous porte n'est pas durable. Hein? Et donc voilà. Alors on pourrait dire un dibadus, le développement non durable. C'est plutôt vers là qu'on va d'ailleurs, hein? Malgré tout. On verra bien la suite. Enfin peut-être pas nous, mais nos descendants. Diben. Alors Diben, ouais, c'est quelqu'un qui est étourdi. Sans tête, quoi. Qui n'a pas de tête, ouais, ouais, ouais. Diben. C'est assez amusant, ouais, Diben. Et Diblick, c'est celui qui est rigide, intransigeant. On dit une Diblick, hein, qui ne cède pas, hein. Voilà. Dibouane. Alors, Dibouane, c'est un mot que ma grand-mère employait souvent. Ça veut dire, qui travaille à l'économie, quoi. Qui fait les choses, mais, sans forcer, quoi. Dibouane. C'est assez amusant. Alors, ça a un autre sens aussi, hein, qui est le quelqu'un déchargé de la peine. Parce qu'il y a un saint, par exemple, Zandibouan, c'est celui qui aide les gens à mourir, à passer le cap. D'accord. Mais ici, on disait surtout Dibouan pour quelqu'un qui en fait travaillait à l'économie, qui se fatiguait pas trop, quoi. Ce qui est une façon assez astucieuse de travailler, parce que en fait, on s'aperçoit que les grands inventeurs, c'est souvent des gens comme ça, qui ont essayé de trouver une façon de faire la même chose en travaillant moins, quoi. Donc, Dibouane, c'est peut-être pas si mal que ça, finalement. Voilà. Alors, bon, pour terminer aujourd'hui, Die Breeder insouciant, comme Hervates vient dans la chanson, hein. Die Breeder, hein. Donc, alors Breeder, on en a parlé, hein, ça veut dire philosopher, la pensée, la philosophie, hein. Et Die Breeder, justement, bah, insouciant, qui se pose pas trop de questions, hein, et de ce fait est assez joyeux. Ça veut dire joyeux aussi, hein, Die Breeder, hein. Voilà, ben on va arrêter là pour aujourd'hui, et puis une autre fois, peut-être pas chaque fois, mais on reprendra un peu d'autres mots avec Die, quoi. Très bien, on passe à la deuxième partie d'émission. Brezhonek t'en m'attend. Deuxième partie d'émission, Brezhoneg tant matin. Oui, alors là, j'avais envie aujourd'hui de te parler de quelque chose que je suis en train de faire là, parce qu'on parle souvent du breton du pays Fanche et du breton du pays Ficelle. Mm-hmm. Et puis j'avais entendu il y a quelque temps donc une dame qui est passée de l'un à l'autre, qui est passée du pays Ficelle au pays Fanche et qui disait que c'était pas le même breton. On dit ça souvent. Hein, ah, ça comme on entend souvent. N'est que ma maison donc. Et elle avait donné comme exemple la herse. La herse, hein, qu'on dit ici en Pays Fanche, on dit Norget, hein, et en Pays Ficelle, on dit Envreys. Et elle avait donné cet exemple-là. Mm-hmm. Et effectivement, c'est pas facile de trouver un exemple de mots différents complètement, parce que en général, c'est une simple prononciation. C'est une prononciation, mais des mots vraiment différents, il y en a très très peu en fait. Alors celui-là, effectivement, bien qu'il soit compris des deux côtés, mettons qu'il y a une frontière linguistique entre le pays Fanche et le pays Ficelle, ces mots-là sont compris des deux côtés, mais on emploie toujours plutôt l'un que l'autre. Hein. Donc bon, alors le pays Fanche, hein, c'est ce qu'on appelle aussi le pays Pline, hein, donc qui est divisé en Croerhou et en Diezou. Hein. Ici, on est dans les Croerhou, hein, Pemrite ici, hein. Pemrite l'Henrivin, hein, et puis une partie de Trémargat, une partie parce que l'autre partie est Ficelle. Ouais. Donc, et Zantolec dans tout ça alors. Hein à Zantolec, ce serait vraiment à la frontière. J'en étais sûr. C'est un centre là-bas. Mais donc. Voilà, et puis le pays Ficelle, qui est le pays de Rostrona, le pays de hein, de Kergris, Melcaré, Rostrona, Plougarnevel, Glomel et un petit peu Plounévé. Alors Plounévé-Quintin, c'est un peu différent parce que la danse de Plounévé, par exemple, c'est un pline, hein, ce qu'on appelle le pline plonde. D'accord. Voilà, donc parce qu'il y a aussi la notion de danse là-dedans. Oui, bien sûr. La danse pline et la danse Ficelle, quoi. Voilà. Alors donc je me suis amusé à travailler un petit peu cette question-là et à faire un petit lexique entre les deux quoi. Bon, c'est mots qui diffèrent quoi. Des mots qui diffèrent ou qui sont prononcés différemment quoi. Alors j'ai pas trop de mal puisque j'ai à la maison Madeleine qui est du pays Ficelle donc qui parle Ficelle et moi je parle Fanche donc c'est pas trop difficile. Et puis j'ai entendu beaucoup de choses, hein, par exemple avec mon beau-père, hein, et voilà. Et donc je travaille un petit peu cette question-là. Eh ben, si tu veux, la prochaine fois, on reprendra un petit peu ça. D'accord. Et on donnera des exemples. Très bien. À la prochaine, Henri. À la prochaine. Et Veljus, Boervé, je dis où ça. Progon, de Dientan, Velcustum, Gandela, Bourdoua, Agervu et War Hermès. Et Ruyon, Bremont, Bacreis et Nevehan. ur gwañ eus obedi hir a yin met e fin e deu d'un amz ur vrao, pe somo a tre evit la bourra d'un douar. Ba fin miz ebol e eru eo d'ur gokou bavro. De bem war nu gant miz ebol em eus kleven ei, vid ur vez tiantan. Klep eus eo gokou? Ya, kleven meus. Ba bulat? Ya. Ya, mi meus kleven am ba tiermont nou. A tud so, l'ar e oa daou pedri, ni oan kleve de ur goukouk daou pedri de rog. Met l'ar et ved ar mod nan goi atan de zebar ou ze glev de goukouk de diantan. Ur goukouk be de fin zo naouez de zeneve amzer. Warland ni oa ke kan de kalz me me zang blan me ekwela. Gwejel pe vije meus be kleve me mwerbezet o kanan ur polka vid ur goukouk. Erre goukouk bavro, erre goukouk bavro, erre goukouk bavro, kleve meus neil ba kermonou. Puis d'ur dermant, ba tiermonou, vije kleve de goukouk. Arroaz vije l'ar ad oaler, peve goukouk bazevro, peve goukouk bazevro, peve goukouk bazevro, eve gwal boan la kapato. Un guiré, ben a han venaï poan de la kapato. Hag velar an dar, eba, meus kleve d'or goukouk ba tiermonou. Un peu blair de ce bid, l'homme avait coucouille au bopet, avec quand de goukou, d'asquire, bah, brohalo, avec quand j'ai oui le coucou, maille, maille, j'ai oui le coucou, maille tout. Ah, bah, brosos, avec quand de, or goukou, voir un ton, as obé d'une plie, je dois l'air, vide, un ton de cause, mais obé d'une plie, je devide film où, Laurel et Hardy. Ruizo reyo ang peus ke gwell kaz lor el e ardi ma trezen tammig ya un tammig ya mi pe wan yo ang bon vije gwell daliz lor el e ardi a zibluje de vugale hag un ton zo se moi lor el se toi ardi se hein tonan popom porop popom zi zo ton or gokouk ma brozos gwell ar et bon me ayon pel on tam deus me gont han de gant ton tamm bon men de ze labour doua. Neus ket gwall belzo oa bet ministre e labour doua, Stefan Ar Foll, hez o breiz ad an tamm, de ze fami, a oa bet e breiz hor an tamm tro, e breiz izel dreiz sol, hag gren eus an tamm tro, ban o ferm, ferm Pierre Koz, ar eus an drenek, Hag parl ur VHS oa di an ken an tamm e labourer yon douar, pu dur zo kal ze guden ou ur mar eman gant e labour douar. War an kad hagin e deu de ben, me bo pe bede hor an tamm tro. War dach en endro, bremañ, en fin, war dach en e labour douar hag en endro, ben e fin, ba bro ur repas zo bet divizet, diven implij louzeil ur chimik zo valtri vid ur gwenand. Bon, j'ai zo n'ravad vid en endro, vid ur gwenand, puis ur gwenand zo bouez evel juz vid dazan ur bet. Med stai ou bras, ne skalz galoud, ne skalz erran, hag bon, diven de louz a ouze vid daoula, hein, spi meus vo der ad diven ne, me ne ke zur. Bon, ba vro am ve gred aliz komis labour douar, Hag blanc me ba canton kal hag vo gret de nonne ke mis vwen ba zan servez. Hervé pez de zo bet disklerjet gant Alfred Boutier zo président de remis canton kal hag oa anke pe de lasso me pel zo zo bopet. Hag blanc me vo gret de ba mis vwen. Bon vicho mon tam war dro un endro o logo d'un pendal hall tre zo bet de kave neveso ba gourin. Logo d'un pendals, in gala vel ar ze chauve-souris, hein. Logo d'un ze, zo, latin, pipistrella natusi, hag gala vel ar de chauve-souris de Mathusius, ou pétan pipistrel de Mathusius. Hag, bon, aie bavro, vraiment, no ramp, kel aie chomo, hein. A ma trezen, derne l'art, Et l'y en meuse gant eus ke lamm, sorbonne. Gwellet vo mag echon mo wenz e bavro. Med guire e lonz zo kap de nij a spen kant kilomet ban o nonz. Sais-tu, ma treize ne voit que jonge, mais de train me n'entend trop. Mais aïe-oire excuse de ton pelor. Hag evel just bon hendel zo kalz de Wenoel, hein, vid logot pendal bavro am. Hag bakernas kleden zo gred o ti un logot pendal, la maison du pat, du, la maison des, de la chauve-souris, pe la reinbrat. Bon, pe on komps de ze long neut gwe, gwell e meus vije gaet baleaden ou vid disolo in long neut krohennek, l'on ne croirait que velard d'une galac batracien. Alors, guère, ce sont deux de ce grécien de batracos, batracos, ce grécien de xo au glesqueren. Mais ce que l'on ne sait, ou rien de zo lost, à rien de zo dilost, velard glesqueur peyen tout segui. Ag, guelemeus va plus easy, hendel zo l'on ne d'elle, hein, de ce famise vel zourt, zourt, vous ne répéterez un zourt, Zourt zo du à Melen, velgad in galak salamandre, hein, zourt, ya. Ah, bro, halo, velar, un sourd, même ce bon, hein. Hag, hendel zo zourt dour, ouais, et velgad triton in galak, hein. Hag, bon, gwevel meus oa gret baléaden, ou vid disolo in londese ba plouizi, a ba landbern, ba gronvel. Bon, végélam, zo végouel, d'un, avec lève de, glisque, au camp, non, à gen toussé, y vé. Bon, dans mon temps, moi, d'ach, j'ai vina dur pelar in mot. N'est-ce que quoi le belzo, et bédim bande de, bembe d'hiveren de zorgelowen, moui, mémor kreis breis. À ce, zo, case le pénadou, ou aristor œuvro, d'un square, zo or penad war bu or belagen de skreis breis, zan d'andri ba botora. A hendel, lina gourmelon neus gred o or penad di war ben or feznons, un peu dur zo bet comme ze kalz ze feznons ba mistier zu, pe bet la ke war rol or glad gant un UNESCO. A neus gred, lina neus gred or zo labourat ba ti or glad ba lokarn ar neus gred o penad war ze. Bon, ou ardachen, peso, un histor evro, ouas, ou lever zo bedim ban un evesso, ou ar histor, evreton do kuitad evro. A scrive des bits, ba, gant Marcel or moi, le zo hanav en moi de Kreis Breis, a hanav en moi, ba, rostren evel just, hag eus, un eus, labour ekaz ou ar histor breis, hag lever zo, un lever galage, hein, a zo hanved l'émigration breton. Hag eus o imbandet gant kop breiz. Hag eus o moyen de gant venant, ba straliou, hein, war dro. War da chen istor evro, c'hoaz, zo bet imbandet o leverel, gwell aret zo kalz historianet ba vro am. Hag eus zo bet skrivet gant Hervé Egal, zo chom ba gronvel, an eus gred o lever war parouzant Mikkel, pe mam eus vejo vel ar Mikkel beraber, hag oa gwejel or barouz hag eus o bremañ ba barouz gronvel. Bon, war an dachen an brezant eo bremañ, la moada revejel pe gen val oa stad ur yez, pe dur pe un trou war dro ur yez, bopet, pe dur oa bet venar an gant bro vran, zin an karta yez o gwasket de bro Europa. A calze du de oa rot as vije begretze a zo bet dipit en bras. Mi non ke bet dipit et pur dur ne non ke benefi non ke rot as man ne bet deze jacobinet na jacobine ru pe gwen pe pechar. A gansi non ke bet dipit et me bon guire e ren der en stoum me mestra. Kuzil zivena dur al breiz ne skrive de notre héros vigoul gantan kazen tro war ok. Jiwas, Karadine et Kulz mont de Tien Tour de Glasgow Gordon de Changetu de Novel. Potier Zéro, ne zlan pour voir, Armar et Mont, à Grédan que l'art de Mahon d'Orcal Zdrov et d'Embraison de. Bon, Dernel de Zendu de Jon, je fais bémol, Goulgan de UNESCO, UNESCO, Ras, Gualerit, Oberandra, Benek, Vid d'Embraison de. Mais de UNESCO, ne galout bé de Brovrance, hein. Sais-tu, bon, grédan que de, vos grètes calzedra vide en braison de gant un UNESCO. déjà, et bien là que d'or fait non, ça joker, mais de, crédant que hey, pelle rentre. Bon, croque et énorme, se repardon, you, bavrou. Zultien t'en de mise made, à ce qu'il y a, ou à pardon de bas local, pardon de zanderne, ou à pardon de bas diodet, à que blanc me ou à bras un homme, qu'à Alice, bah, pardon de diodet, hein, zultien t'en mise made, avec quoi le dom un homme, ça. Armesguel, dénon, bah, diodet, mesguel, forge Roland, à que, so, Hanov, de mon, un so de Zantouerno, Boulevriac, à la redine, gogel, vigé, rimadel, à gelare, pardon de Dieu de te bamiser, ma peuse dit ou chupen la quenée. La quenée dit ou chupen, ka, vijé que redob. Mais blanc, on voit que des hommes de garde dit ou chupen, zé zozur. Bon, Hendel, ne ce que quoi le belzo, avait déchu amand de canor bob bapondi, bédon de blanc, quand veut meuse ou abra ou un trou, clé veut meuse calze trou, quand est ou enou, quel meuse bugal et au canon, bon, à calze dude au son, bon, bran ou un trou. Ag bon blanc me wa deugen la so boe wa lance de corner bomb aziz omatri a hendel bakalak strola de la belle équipe nous lead de i ugen vla i ugen vet bla mais la renoir de diabla ag strola de la belle équipe rawardro er cinéma bakalak ag calzetro plus justré ve gret grande ve Vejo ve te tu dans des grets films ou de comme spécialement une grède à tout. A gazezo e bouez e vel juste vid kalak. C'est tu la rend chance droite, strola de la belle équipe. A vraiment, ben, calze droit ou ve fait bédé l'art à droite, mais ma son est aïe point. Et je suis vi hudu ben vegel volar à droite. C'est tu tiens or vegel la hand chilo veillant de l'air kabé.